Jimmy Master Blaze, chapitre symphonique. Ok. J'harmonise la flûte, le violon et j'ouvre le bal. Performance lyricale en direct de live. Le rap est lourd, le rap est live, le rap est dangerous. Le rap est lourd, le rap est live, le rap est dangerous. Le rap est orchestral, il sort du music hall. Voyage sur Mars à la Total Recall. Total Recall. C'est le chapitre symphonique, manoir et compte de la crypte. T'écoute pas seul mais appelle toute ton équipe. Master Pro chez les monsters. Sur une putain d'instru, ça donne des hauts de cœur. En dédié à Michael et Freddy Krueger. Prends ma voix rock, je vais pas y aller en douceur. Je sème la panique en centre-ville, je veux de la chair humaine, j'ai le ventre vide. Humain génétiquement modifié, j'ai soif d'hémoglobine, je vois que t'es mortifié, je m'enlèche les babines. C'est la version interdite au moins de 16, en bref, sache que les nains ont planté Blanche-Neige. C'est la version interdite au moins de 16, en bref, sache que les nains ont planté Blanche-Neige. Grosse panique dans tes écouteurs, c'est l'horreur, grosse panique, c'est l'horreur. Grosse panique dans tes écouteurs, c'est l'horreur, grosse panique, je parle des monstres. Grosse panique dans tes écouteurs, c'est l'horreur, grosse panique, c'est l'horreur. Grosse panique dans tes écouteurs, c'est l'horreur, grosse panique, je parle des monstres. Réponds pour Fontaine, ça gâchera ta soirée. Ne dors pas au motel, le massacre sera filmé. Ne prends pas le large, car les dents de la mer, on est dans large. Si t'attrapes tes têtes, t'es dead. Le Wantis va travailler les chipots. Il désinfecte la bouche et t'éclate à coups de zippo. Pour vaincre l'ennemi, il te faudra l'aide de Yahvé. Mec, crucifix béni par le padré. Grosse panique dans tes écouteurs, c'est l'horreur. Grosse panique, c'est l'horreur. Grosse panique dans tes écouteurs, c'est l'horreur. Grosse panique, je parle des monstres. Grosse panique dans tes écouteurs, c'est l'horreur. Grosse panique, c'est l'horreur. Grosse panique dans tes écouteurs, c'est l'horreur. Grosse panique, je parle des monstres. Ne sors pas les loups de pleine lune. Tu finiras comme un poulet sans plume en thérapant plume. Gagner du temps, c'est gagner de l'oseille. Te trompe pas trop car le détour sera mortel. Je promène pas dans la forêt, Wolfman s'est caché. Il a les dents pointues et dur comme un couteau. Cure obligatoire pour esquiver ses coups de gros. Les coups de gros.